Es-tu disposé à aller jusqu'à la ferme, mon ami? Oui. Bien que je souffre encore des piqûres qu'endorment assez mal le miel, je veux bien qu'on soit encore amis. T'as plein. Alors, je te prête mon biclot et je te guide jusqu'à la ferme. Pourquoi j'aurais besoin de ton biclot pour aller à la ferme? Parce que tu dois te racheter. Tu viens de taper ma main. On est Mais... à nouveau copains. Alors, si on est à nouveau copains, les copains, ils cèdent. Moi, j'ai plein de piqûres. Toi, t'en as tout petit peu sur la main. Un tout petit peu. Oui. Un tout petit peu. Et en plus, maman Karova, elle me préfère. C'est sûr de ça. Ouais. Et tu vas même m'aider à monter sur maman Karova. Comme ça, je serai moins fatigué et on ira plus vite. Hein, dis? Comme ça, ce serait mieux, non? Je le soulève, je le mets sur la vache. Attends. Est-ce qu'on a l'équivalent d'une espèce de casserole? C'est la casserole pour faire le jeu, probablement. Non! Ça aurait été bien. Ça aurait Non, représenté. mais t'as son biclo maintenant à ta main et tu pousses la bicyclette à côté de lui. Alors, vous êtes allé. Je pense que vous êtes allé dans la bonne direction. Il faut poursuivre là où le soleil se couche. Et au crépuscule, nous devrions arriver à la ferme de Gaétan. Et Gaétan? Gaétan? Hmm? Gaétan? Gaétan? Gaétan, il devrait nous trouver une houtotte pour Une quoi? une houtotte pour maman Ah! Karova. Il faut grimper. Alors c'est pour ça je suis sur maman Karova parce que moi j'ai des petites jambes. Alors je nous aurais ralenti. Tu crois pas? Ouais, c'est surtout pour faire l'intéressant sur le dos de maman Karova. Avance, avance, maman. On va trouver de la bonne herbe pour toi. Le vent s'est pas levé. Le péril est parfois chaud, parfois sec. Et le vent n'a pas encore drossé les nuages qu'il a coutume d'amener au-dessus de la forêt noire. Nous avançons gaillardement, à flanc de coteau, vers les hauteurs. Nous apercevons au-dessus de nous ou du moins au-dessus. Ce n'est qu'une masse indistincte de feuillage qui borde la vieille sente crevassée par les racines défoncées. Tu as bien du mal à maintenir le biclot sur la route. Il te faut souvent le soulever, le porter. Dis, Car. dis, l'ami, tu ne pourrais pas prendre ton vélo pour qu'il soit un petit peu plus haut? Et je suis trop petit et mes bras sont trop courts. Je te le passe, tu le tiens? Juché sur maman Karova, mais j'aurais pas la force de le maintenir sur le dos de maman Karova, elle chaloupe à chaque fois qu'elle gravit la pente. Non, il faudra attendre d'avoir des cordes pour l'attacher sur maman Karova, si elle est d'accord pour porter le biclou. Mais ça, c'est plutôt le rôle d'un ami. Qu'en penses-tu, mon ami? On a tapé nos mains ensemble, on a scellé un accord, hein? Tu ne l'as pas évoqué avant, je ne connaissais pas cet accord. Ah, mais si, nous sommes amis. Les amis s'entraident. Non, c'est pas ce que disent les anciens. Et qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ah, mais je te guide jusqu'à la ferme. Non, tu ne veux pas aller à la ferme? Je descends de maman Karova et tu repars vers les hauts prêles. Oh, ça ne me dérange pas. Le haut des prêles te séduit tant que ça, mon ami? Non. Non. Alors, assure-toi de mon biclou. Et que comptes-tu faire avec ton biclot? Ah, tu verras, c'est très amusant de faire du biclou. Je t'apprendrai. Mais j'oublierai. Mais non, ça ne s'oublie pas. Une fois que l'on sait faire du biclou, on le sait pour toujours et à jamais. C'est... Juré craché. C'est... Pourquoi tu t'es craché dans la main? Ah, pour donner toute la force à mon serment. Tu n'étais pas obligé de cracher. Ah, c'est ce que font les gens qui ont foi en leur parole. Je te demande pas de toper ma main, mais ça t'assure que j'étais sincère dans mon propos. Je peux très bien cracher et dire des mensonges. Mais méfie-toi. Si tu viens à mentir, le Gorgira, il viendra. C'est qui le Gorgira? C'est celui qui s'occupe des menteurs, mon ami. Et tu as déjà menti? Ça m'est arrivé, mais je me suis repenti. Et suffisamment tôt pour que le Gorgira ne vienne pas me chercher la nuit venue. Qui c'est qui t'a raconté l'histoire du Gorgira? Bah, la Agathe, elle m'en parle tout le temps. Agathe? Agathe! Agathe, tu dis? Bah, elle est à côté de toi, elle nous accompagne. Elle, c'est une dame dont on doit écouter tous les conseils. C'est une des voix que t'entends? C'est pas une voix que j'entends, c'est la tante Aigotte. C'était pas la tante je sais plus qui, c'était pas la tante Maro je ne sais plus quoi. Non. T'es sur qui actuellement? Aigotte. T'avais pas dit Aigotte tout à l'heure? Si. Non. Karova. Tu disais toujours maman Karova. Oui, maman Karova. Maman Karova, c'est notre amie. Mais la tante Aigotte, elle nous accompagne. C'est ton huis clos. Il fait exprès. Il veut me faire en rire, celui-ci. Mais il n'y a pas de tante qui voyage tête avec de nous. De bois. Mais si, elle est juste à côté de toi. Et qui? Bah, à côté de toi, il y a un buisson. Mais il y a un buisson, tu vas pas bien mon pauvre. Dessille tes yeux. Mais je vois très bien. Ah, mais tu vois pas avec les yeux du cœur, c'est pour ça. Sars ton cœur, et alors tu verras ton Agathe. Je vois pas comment on charge notre cœur et comment on voit avec le cœur, puisque le cœur n'a pas d'yeux. Ramasse la bouse, je pense que ça tu peux faire. La bouse, tu la vois. Ça sent la bouse. Oui. Et pour autant, est-ce que lorsqu'on la voit, on sait qu'elle est combustible et qu'elle dégage de la chaleur pour l'hiver? Ça, le sait-on? Oui. En la voyant? Oui. Quand elle est toute fraîche, que maman Karova vient de la faire, la bouse, que même les mouches, elles sont pas venues? Oui, on le sait. Savoir et voir sont deux choses différentes. Deux choses. Est-ce que tu vois la bouse cesse lorsqu'elle est pas cesse? Oui. Alors tu vois tant ta côte. Je la vois pas. Passe-moi le pot de miel. Tu vas tout épuiser à force de te gratter. Ça pénique. Oui, oh. Bah réfléchis. Un bon fond. Alors, si tu... Horace masse son menton délicatement avec le miel. De te toucher. Rebouche le pot de miel qu'il te tend. Qu'est-ce que je dois en faire? Il y a une petite boîte en fer blanc qui est remisée à l'arrière de la selle toute usée du vélo. D'ailleurs, ta selle est usée. Oui, mais ça, nous verrons ce que nous pourrons faire avec Guébétain. Et si le Guébétain, il est d'accord, on pourra trouver du cuir et faire la houtotte et plein de choses. Sauce? Oui, plein de choses. Et arrête de te moquer de moi. Parce que, attention, je suis capable de prodiges quand je veux. Moi, je suis capable de sortir le briquet que tu m'as filé. C'est un briquet à battre, à Madou. Et te frapper le visage avec. Comme ça, tu vas bien avoir mal. Alors, tu veux me faire mal, mais moi, j'ai mon couteau. Et il sort sa lame toute brillante, toute affûtée, que tu as vu trancher. Voilà, le coupe-jarret. Je sors comme ça. Tu veux jouer à la plus grosse arme? Oui. Mais encore faut-il savoir l'utiliser et être capable de feinte. Placé juste sous ta garde, il a glissé sur maman Karova et s'est rapproché de toi. Il se tient juste à côté de toi et sa lame pointe sur toi. Et il a passé ta garde sans que tu t'en sois rendu compte. Non, mais il est beaucoup plus petit que toi, mais là il te pointe sa petite lame sous la gorge. Non, non, mais tu peux pas le faire, il est juste contre toi. Tu l'as pas vu venir, il s'est laissé glisser, il s'est laissé couler avec une grande rapidité, une grande souplesse. Souple. À défaut d'être robuste. Méfie-toi du petit Horace. Il sait se défendre néanmoins, tout petit qu'il soit. Allez, maintenant, il a rengainé, repassé son arme au creux de son ceinturon. Aide-moi à remonter sur maman Karova. Nous avons encore du chemin à parcourir, mon ami. Mon ami, n'est-ce pas toi qui tout à l'heure me menaçais ? Oh ! Eh ben, on verra qui maman Karova suivra. Il te reprend des mains le biclot, la sonnette gling. Nous irons plus lentement, nous serons probablement pas arrivés au crépuscule, comme je te l'avais dit. Et nous devrons bivouaquer au milieu de la nuit, parmi les loups. Grâce à qui ? Grâce à notre ami, le loup. Grâce à notre ami ? Grâce à notre ami. T'as dit quoi avant ami ? Enfin, après ami ? Ouais, tu as déjà oublié. Mais j'ai mal entendu, je sais que tu as... Et en plus, il est dur de la feuille. Entendez-vous ça, les marmottes ? Il est dur de la feuille. Tu vas te calmer. Ah mais je suis calme. Tu vas arrêter de te moquer. Ah, je me moque pas, c'est toi qui te moques de moi et de ma diction. je me moque certes de ta diction, mais toi tu te moques de ma mémoire et de mes sens. Ah, ils sont pris en défaut, qui puis-je ? Bien. Reprenons la route, je te laisse tout seul, moi je pars, et je monte le plus vite possible. Et tu laisses Julie derrière toi, mon amie ? Oui. Julie n'est-elle pas ton amie véritable ? Si, mais elle saura me retrouver. Penses-tu qu'elle te retrouvera ou qu'elle restera avec le garnement ? Certes, il a mauvais caractère, mais les affinités sont souvent électives. Ne crains-tu pas qu'il l'ait sous son charme ? Qui puis-je ? Revenir sur tes pas et faire amende honorable. Et subir ce garnement. Et subir ce garnement, puisque c'est toi le plus grand. L'endurer, c'est aussi avoir un compagnon, ne crois-tu pas ? Et alors, tu as deux amis et non pas un. Tu pourrais gravir la pente jusqu'au prochain virage, te cacher dans le fossé et lui faire une petite trouille. Mais t'éloigner trop, ce serait risqué de perdre ton compagnon, tes compagnons, ne penses-tu pas, mon ami ? Tais-toi, Goupil. Je marche donc et je me cache derrière un buisson. Maman Karova, avance ! Mais je dois tenir le biclot, je peux pas tirer ta longe. Avance, maman Karova. Moi, je suis fatiguée, j'ai déjà mon biclot. Ah, il est caché dans les buissons, faisant comme si nous ne l'avions pas vu. J'avais entendu rire. Hey, maman Karova, on fait les effrayer. Hein, d'accord, maman Karova, n'est pas parti pour loin. Je vous ai entendu. Bah alors, sors de ton trou. Ah, tu vois bien que je suis bien utile. Ah, oui, tu vas me jucher sur maman Karova et tu vas... tu vas tirer le biclot, s'il te plaît, jusqu'à la ferme. Et comme ça, nous arriverons avant le crépuscule. Et pourquoi c'est toujours... Avant que le Gragounia ne vienne te voler ta langue. Que feras-tu sans ta langue demain ? Rien. Je marcherai, je vivrai sans toi et sans... tes jérémiades et tes paroles acérées. Eh bien, pars, et le Gragounia te volera ta langue. M'en fiche de ma langue. Parce que tu n'as pas de parole. Tu as juré que nous étions amis, que nous étions copains, et que nous faisions route ensemble. Et là, tu te dérobes à la première difficulté venue. C'est toi qui te dérobes, c'est toi qui me files tout le sale boulot en glorifiant tes faits et gestes. Je glorifie rien du tout. Moi, je sais le chemin, toi, tu le connais pas. Je peux le trouver. Ah oui ? À qui vas-tu demander ton chemin ? Moi, je peux demander à plein de gens. Toi, tu ne peux pas. Moi, j'ai ce prodige. Tu as surtout des voix dans la tête. Certes, mais ces voix dans ma tête, elles me disent où aller. Où elles ces voix dans la tête, elles sont emplies de folie. Ben non. Bah, Là, Egot, elle nous a dit comment nous soigner des piqûres de guêpes, non? C'était ce que... C'était pas ta voix, c'était ce que tu avais acquis dans tes livres. Non, c'est la Egot qui me l'a dit et qui a dit, mais sont-ils des tétons bois? Brûler quelque chose, éloigner les WC. La Egot, elle est là et elle me dit que je devrais la suivre par le chemin qu'elle connaît, un chemin détourné, et on verra bien qui de nous deux arrivera à la ferme en temps voulu. Je prends mon biclo, tu prends ta vache, et on verra... Ma vache, elle a un nom, elle en a même deux, tu les connais très bien. Eh bien, tu vas avec maman Karova, je vais avec mon biclo, et on verra qui de nous deux arrivera le premier à la ferme. Les amis qui s'envolent, maintenant, eh bien... C'est pas une ferme ordinaire, c'est la morquerie du vieux chat. C'est... Et la morquerie du vieux chat, il faut être... Un des amours pour savoir où elle est. Parce qu'il n'y a pas de chemin pour y aller. Le chemin, il est plus emprunté, il faut bifurquer très vite. Et toi, tu ne le trouveras pas. Et tu vas errer, et tu vas cercer, alors, du... Cercer. Oui, tu cerceras. Tu cerceras du foin pour maman Karova. Et maman Karova, elle meuglera de tristesse parce qu'elle aura faim. Et qu'elle t'aura suivi, et qu'elle aura eu le tort de te suivre au lieu de m'écouter. N'est-ce pas toi qui disais que je m'envolais? Que fais-tu? Tu t'envoles? Tu te dérobes à maman Karova? Je ne me dérobe pas, moi, à maman Karova. Eh bien si, puisque tu l'abandonnes à son sort, comme tu dis. Mais si bien. C'est toi le vassé, c'est pas moi. Moi, je te demande de monter sur maman Karova et... Tu es son fils. Et de tirer le biclo. Non, moi, j'ai déjà la vieille. Ça suffit. Mais tu dis que c'est ta mère, puisque c'est elle qui te donne le lait. C'est ma maman, maintenant. Mais ma vraie maman, c'est la vieille qui est restée au des prêles. Je te propose de mettre ces enfantillages de côté pour marcher. Eh ben, marchons, si t'es disposé à marcher. Et c'est moi qui suis sur maman Karova et toi avec ton biclo. Pour sûr, elle va aller vite, maman Karova. Tu vas traîner tes sabots par terre. Et on ne sera pas rendu, hein. Je le tape d'un coup de bâton, de mon bâton de cornouille. Ah, il est méchant. Arrête de te moquer de moi. Je me moque pas de toi. Si, ce que tu viens de faire à l'instant. Non, je dis que la vérité. Non. Si tu montes sur maman Karova, elle va avoir mal au dos. T'es trop lourd. Tu dis la vérité qui t'arrange, surtout. Non, tu es trop lourd. Bon, remontons cette pente une bonne fois pour toutes. Alors, t'es sûr que je dois pousser mon biclo? Non, c'est bon. Hisses-tu Horace sur le dos de maman Karova? Oui. Vous poursuivez votre chemin. Le paysage évolue quelque peu à mesure que vous gravissez cette pente. Comme l'avait indiqué Horace plus tôt, à un moment donné... Il chuchote à lui-même ou à maman Karova quelques mots doux, susurrés qui sont à peine discernables sur le fond de bruissements incessants, vrombissements d'insectes qui sortent de la forêt, investissent les prairies voisines et Vous voyez en contrebas s'étager les pâtures que vous avez parcourues, que tu as parcourues notamment avec les vaches de la communauté. Au loin, un mont massif qui domine et ferme le vallon, qui se tient quasiment à même hauteur, tout entouré de nuages, contrairement à celui vers lequel vous rendez. Donc je disais que Horace chuchote à l'oreille de Karova quelque chose et vous bifurquez, vous abandonnez le vieux chemin caillouteux qui serpente au cœur d'une partie moins densément boisée et se dirige lentement vers une pinette qui se clairsème pour aboutir vers une prairie de hauteur. Vous vous éloignez donc pour repartir, pour ainsi dire, dans la direction d'où vous veniez, par une sente à peine discernable au milieu des fougères. Peu à peu, les fougères laissent la place à des massifs de brimbelles. Les herbes se font plus rares et vous retrouvez dans une clairière où Julie en profite pour pécer quelque peu, marquer une brève halte. Vous régalez des brimbelles, vous en collez plein les doigts. Elles sont mûres, sucrées à souhait. La saison précoce aura hâté leur mûrissement. D'ordinaire, on ne les trouve pas ainsi. Et vous repartez pour vous enfoncer dans une hêtraie qui borde ce qui maintenant s'apparente à nouveau à un chemin. Mais un chemin plein de gadoue, où les sabots de Julie s'enfoncent profondément, marquent le sol. Vous voyez tout un tas de traces qui parsèment la dite sente, qui la croise. Vous voyez des laissés découler. Tu aperçois des pattes, des traces de coussinets, et qui pourraient donner raison tantôt à ton ami Horace. Ça ressemble fort à des traces de loup, un gros. Puis après, tu aperçois au pied d'un vieux chêne isolé, une coulée qui mène vers ce vieux chêne. Tu aperçois des traces. T'as un goupil ? Non, un passage d'une truie et de ses marcassins. Mais un peu plus tard, tu vois effectivement les traces qu'a laissé un goupil et une flaque d'urine fraîche aux abords d'un framboisier. Comme pour donner raison ou à contre-temps à l'ami Horace, l'ensemble du bas du massif a été envahi d'urine. Les moucherons voltent partout autour et l'urine est froide. Il est passé il y a un moment, mais pas tant que cela. Tiens, regarde Horace, des empreintes de goupil et un framboisier plein de pisse. Je te l'avais bien dit. Non. J'avais donc raison. J'ai dit que s'il y avait de la pisse, c'était après que j'ai mangé les framboises. Et qu'entre-temps, j'ai croisé un goupil. Alors, méfie-toi, mon ami, méfie-toi. Parce que nous avons évoqué le grabougnat. Et le grabougnat, il vole la langue des menteurs. Je ne mens pas. C'est toi qui mens. Je ne mens jamais. Je n'y risque plus. Méfie-toi. Préserve ta langue. Non, je ne préserverai pas ma langue si tu mens et moi pas. C'est un peu logique. Certes, mais tu as avoué toi-même qu'il n'y avait aucun risque, aucun à mentir. Alors là, méfie-toi. Mais je n'ai pas dit... Oh, tu comprends tout de travers, de toute façon. C'est un de mes défauts, je le reconnais. Allez, vas-y, dis que je suis horripilant. Ma foi. Non, tu n'es pas horripilant. J'ai la corne dure. La corne ? Je fais de la corne d'abord. Comme ça, les WC, elles pourront plus me piquer. Et demain, je serai plein de cornes et plus personne ne pourra me piquer. Et même pas tes colibés. Ils rebondiront sur ma carapace de corne. Carapace de corne ? Tu connais des animaux qui ont une carapace de corne ? Bah, la testue. La testue ? Bah, la testue. La tortue. Bah, si tu veux l'appeler comme ça. Mais la tortue, c'est pas ça. C'est de la corne qu'elle a au-dessus de la tête pour se protéger. Sa maison qu'elle emporte avec elle, c'est de la corne. Et ben moi, j'aurais une maison pareille. Tu ne fais pas ces dimensions. Et je t'assure que c'est lourd à porter. Déjà que tu te plains de ton biclot. Mais mon biclot, j'ai trouvé la solution. Je ne suis pas une solution, je ne suis pas... Une non, fin en tu, soi. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu es mon ami. Et c'est ça, c'est ça. Tu es mon ami. Arrête de cracher dans ta main, ça ne prouve rien. Ça renforce la sincérité de mon propos. Non. Que tu dis, mais tu verras que d'autres partagent mes vues. Si ce n'est pas parce que plusieurs ont tort qu'ils obtiennent... Raison, qu'ils obtiennent raison parce qu'ils sont plusieurs et que celui qui a raison est seul. Je crois que ton isolement est dû au fait que tu es toujours convaincu d'avoir raison contre tous. Toi aussi, tu as toujours convaincu d'avoir raison contre tous. Avance, maman Karova. On n'arrivera pas au crépuscule. Attends, on n'arrivera pas. Attends, au crépuscule, au monde est ça. Hein? Mon léchit. Avance, maman Karova. C'est quoi ce bruit que tu produis? Effectivement, la vache. Mais c'est marque le pas. C'est ton nouveau cheval, monsieur le prince, comme tu le disais tout à l'heure. C'est pas un fan. Les chevaux, ça a une crinière. Elle a pas de crinière, maman Karova. Tu fais comme si tu l'as. Certains qui ont des chevaux font comme tu fais avec maman Karova. Bah, c'est logique. C'est pour lui dire d'avancer. Et ça marche. Mars. Ça marche. Fonctionne plutôt. Si tu le veux. Vous vous enfoncez un peu plus au-dedans de la hêtraie. Le jour filtre moins aisément au travers des feuilles. Les troncs sont rapprochés. Désormais, il n'y a plus d'herbe que pourrait brouter votre amie Julie. Des fougères coupantes, des ronces. Des ronces qui se font plus nombreuses. La forêt est ici plus sombre. Vous avez croisé un petit rue dévalant la pente, auquel vous vous êtes abreuvé un peu plus tôt. Et vous arrivez maintenant sur une espèce de promontoire. À main gauche, vous apercevez en contrebas de la pente une grande étendue d'eau entourée d'une aulnaie dense, tandis que face à vous, sur un promontoire un peu plus haut, au flanc du col que vous avez délaissé plus tôt dans la journée, vous apercevez Morcarry, une ferme bâtie de bois sur les hauts, et tout autour apparaît une grande étendue herbue où les herbes se couchent sous les effets du vent. Le temps a fraîchi, le vent souffle maintenant les feuilles des hêtres au-dessus de vous. La canopée bruisse à nouveau. Vous entendez par intermittence, outre surpassant l'incessant bourdonnement des insectes, moucherons, mais aussi des abeilles noires que tu avais plutôt appelées de tes voeux. Vous entendez donc par intermittence des appels qui pourraient être ceux d'un lynx, bref, relativement proche, venant du cœur du bois ou des hauteurs. Relativement proche, mais à quelques distances de vous tout de même. Sur la hauteur dégagée, où souffle le vent, vous allez lentement, vous progressez entre les branches, sous les feuilles qui bruissent au vent. Vous apercevez des cohortes de nuages qui s'amoncellent et qui suivent le même chemin que vous. À n'en pas douter, au crépuscule, ils auront gagné la hauteur et probablement atteint la ferme que vous avez entreaperçue un peu plus tôt. Lorsque vous parvenez enfin sur cette hauteur qui domine le lac, la mare, l'étang entreaperçu un peu plus tôt, vous descendez spontanément et contemplez la plaine herbue, enfin la grande étendue d'herbe. Et cette grande étendue d'herbe semble être un soulagement pour Julie qui peinait à gravir de plus en plus, peinait à arracher ses pattes à la boue vorace du chemin. Là, maintenant, elle mâche paisiblement les herbes grasses qui poussent sur cette hauteur. Le lac est tout auréolé de couleurs chatoyantes, alors que le soleil timide, éclipsé par l'assemblée nuageuse, jette ses derniers feux et s'apprête à se coucher derrière les hauteurs de la montagne noire. Dans les feux mourants du soleil, vous apercevez des nuées de grands oiseaux qui viennent se poser sur l'étendue d'eau au milieu des prés. Vous apercevez également un autre rue qui se dirige à l'opposé, dévale la pente et va probablement alimenter une autre grande pièce d'eau. Devant vous, fermant votre horizon immédiat, sur ce flanc de la montagne où vous vous tenez, une maisonnée de bois. Elle est envahie par les ronces, le soleil, l'avancée où l'on remise les foins est vide. Là, on prit place des mauvaises herbes qui ont monté en graines. Curieusement, c'est une note de moutarde qui domine. Et en lieu et place du foin que vous attendiez pour la brave Julie, ce sont de belles fleurs de moutarde blanche qui sont arrivées à maturité et qui contrastent avec les prêles qui parsèment l'étendue d'herbe. Par endroits, il y a de grandes mares que les nuages ont déversé leur pluie plutôt en péril. La porte gîte guingois, la maison semble abandonnée. Depuis un moment, les hivers ont dû se succéder aux hivers sans que quiconque ait habité la bâtisse. Elle est déserte, hormis deux oreilles pointues que tu devines dans la pénombre que ménage l'entrée. Deux oreilles dressées vers vous, semblables à celles que tu as devinées plus tôt dans la journée. Un goupil qui a fait de la maison abandonnée sa tanière. Tout cela pour ça. Oh, au moins, maman Karova aura de quoi paître paisiblement. Et la houtote? Je devrais trouver des choses ici qui me serviront. Ou peut-être trouverons-nous une houtote en bon état. Ils devaient remiser leur bois, même s'ils n'ont plus de foin. Le bois y est. Et effectivement, il y a une resserre à bois à côté de la souleille, où le bois a verdi, recouvert de mousse. Mais au sommet de la pile de bois se trouve une houtote. Il s'en approche, Horace s'en approche, la regarde attentivement. Elle doit être empreinte de celui qui a habité les lieux. Elle lui appartenait, elle est chargée de souvenirs. Si je la prends, je devrais me confronter aux souvenirs douloureux de celui qui a habité les lieux. Accepterais-tu, mon ami, de... Je suis toujours en soif de connaissances. Je recherche la mémoire. Tu sais très bien que je connais peu de choses, que j'ai perdu la mémoire, que je suis un déboussolé. Alors, peu importe ce que sont ces souvenirs, ils m'aideront à retracer ma voie. Tu n'es pas si égaré que cela, puisque tu es avec moi. Alors dis-moi mon prénom. Toi. Acceptes-tu de porter le fardeau des souvenirs du monsieur qui habitait là? Oui. En échange, je te donne ton nom, Edmond. Et je pourrais le loger en émoi, logiquement. Bien dans la mesure où je le portais en mon cœur et que je te l'offre. Ça va plus dans le cœur. Toi, tu le places où tu veux, mais moi, je t'offre ton nom. Le vacher Edmond. Et donc, ce faisant, Gabriel, tu acceptes... Porter. De porter le fardeau... que peut contenir la houtote. Alors tu l'acceptes au propre comme au figuré, parce que tu devines bien que Horace sera trop frêle pour porter la houtote. Oui, c'était une sorte d'excuse teintée de mysticisme. On peut le considérer ainsi, mais tu acceptes délibérément de charger ton cœur des souvenirs qui sont attachés à la demeure. Et à ce titre, tu récoltes un as de pique. On peut dire que ça matérialise ton as de pique. Pour le coup, le dé matérialisera l'as de pique que tu as récolté, en sachant que nous en détenons un chacun. Compte tenu du ton que nous avons adopté, sans même nous concerter, on peut considérer que c'est en intime. Voilà, que nous jouons dans voilà. Une phase intime jusqu'à présent. Il nous appartiendra éventuellement de modifier cela. On peut considérer que, histoire de corser ou de coller à ce que nous avons évoqué jusqu'à présent, moi, je ne sois pas détenteur d'as de pique. que toi tu n'en étais pas, mais que tu l'as gagné en acceptant de prendre ce fardeau. Lorsque ta main se referme sur la houtotte, qu'observes-tu? Ton regard se porte-t-il sur le tas de bois moussu ou s'égare-t-il sur les graminées et ton ami Julie ou va-t-il vers le ciel? Ou observes-tu ta main toute boursouflée? Je vois pas. Enfin... Et engluée de miel. Alors, j'ai une idée. Je t'écoute. Je place une espèce de tige en bois très fine qui séparerait la houtotte en deux. D'un côté, je mets du bois, comme ça on pourra chauffer avec le briquet d'Amadou de Horace. Et de l'autre côté, on met de plein d'herbes. La provente d'herbe que vous récolterez. Donc vous avez ton coupe-chou pour... Coupe-jarret, c'est pas la même chose qu'un coupe-chou. Oui, mais tu peux l'enficher au bout de ton bâton et en faire une faux pour aller faucher quelques herbes fraîches que tu... Il n'y a pas de faux ou de hache enfin, non, de faux dans le... Il y a une faux sous la pentille dont tu peux te saisir, effectivement, mais la lame est émoussée. Tu n'as pas de... Elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, donc ce sera un travail d'autant plus astreignant, alors que ton coupe-jarret attaché au bout de ton bâton fera tout à fait l'affaire, et tu as sans doute dû déjà l'utiliser de la sorte, de par le passé, de telle sorte que le haut du bâton est émoussé pour y ajuster... Bon, on va faire comme ça. Parce que ça me servira d'avoir une faux en réserve. Bah, il faudrait la transporter, ce qui sera malaisé, d'autant que tu as déjà le buis clos de Horace à tracter. On doit s'arrêter. Est-ce que tu me permets d'aller au plan suivant de la carte? C'est simplement pour montrer à peu près où est-ce qu'on doit s'arrêter, que je ne sois pas dans l'erreur. Je comprends pas... On est à peu près ici, si j'ai bien suivi. Pas du tout. Là? Pas du tout. Tu peux me montrer? On n'est pas ici. Donc, on doit aller environ là. Alors, ou après. Si on se réfère à notre carte du temps jadis, Oléprel, c'est ici. Vous avez quitté la vallée et vous êtes allé jusque-là. Donc, on va pouvoir croiser... Et donc là, il y a un col qui permet de gravir et d'entrer dans la haute vallée suivante. Et il veut s'installer là ? Vous êtes détourné du col principal, c'est là où vous avez quitté le chemin principal pour aller jusqu'à cette ferme sur les hauts qui était destinée à récolter les chaumes. Alors les fermes de ce type, elles sont pas tout le temps occupées, mais celle-ci manifestement a été abandonnée depuis un certain moment. Pendant que je fauche la... Ce ne sont pas des maisonnées qui sont habitées au long de l'année. Seulement pour certains. Elles sont habitées juste lorsque on va pour les foins et elles sont liées aux transhumances des troupeaux. C'est une fermette et il n'y a pas le confort ordinaire, c'est plus un refuge qu'autre chose. Il y a un grand âtre, de quoi se coucher à l'intérieur. Sans avoir pénétré le seuil, tu devines à l'ossature de la maison de quoi elle est faite. Et il est rare qu'elle serve de refuge. En revanche, lorsqu'elles sont en usage, on veille au moins à ce que les portes ferment, que les volets soient barrés. Qu'il n'y ait pas de goupil. Et là, le goupil s'y est installé, c'est que les hommes l'ont déserté depuis un moment. Horace, pendant que je m'occupe de récupérer de la provende pour notre chère amie Julie, et que je prends un peu du bois qui nous servira à nous réchauffer quand nous serons frigorifiés, que je glisserai dans la houtotte que je transporterai lors du voyage. Pourrais-tu vérifier qu'il n'y ait pas de trésor caché dans la maisonnée, dans peut-être qu'il y a par exemple, je ne sais pas, des provisions pour inspecter un peu les lieux pour voir si nous ne pourrions pas dégoter de chouettes artefacts. Je vais rentrer dans la maison, mais je resterai prudent et je ne toucherai à rien avant que tu sois avec moi. D'accord ? Si tu veux, je peux te passer un de mes artefacts que tu ne connais pas. Le sort. Attention, révélation de carte. Ma lampe torche. Une vieille lampe torche jaune du temps jadis. D'accord. Tu pourras mieux inspecter les lieux et tu pourras bien vérifier qu'il n'y ait pas de monstres ou de pièges. Je suis rassuré alors, mon ami. Le Grabounia, il n'aime pas la lumière des reliques comme celle-ci. En revanche, fais bien attention. Je ne trouve... Il se trouve que c'est... Oh, laisse tomber. C'est... Non, c'est au sens figuré. J'étais en train de t'énoncer un truc et je me suis rappelé quelque chose que ce que je te disais n'était... Tu aurais donc des souvenirs, mon ami ? Ton nom t'a conféré des souvenirs ? C'est Mavic ! Ah, et tu vois, j'ai bien fait de te confier la houtotte, parce que maintenant tu as des souvenirs. Remercie ton ami pour les souvenirs. Et moi, j'ai récolté une relique du temps Vadis. Et il s'éloigne. Il joue au chevalier de Jedi avec une lampe torche. Attention! Horace s'éloigne donc vers la maisonnée pendant que tu entreprends de faucher avec ta faux d'apparat. Après la rue de marche, c'est un effort supplémentaire, mais ça te permet de ne plus penser aux petites vexations, aux railleries de ton ami Horace. Et tu prends plaisir à voir Julie paisiblement déambuler. Elle a l'air placide, heureuse d'être là, sur ses hauteurs, et goûte particulièrement l'air grasse qui lui est offert. Ton ami... produit quelques bruits au-dedans, tu entends des objets qui tombent, des... Ah oh. De fait, il n'a pas résisté à la tentation de toucher et ne t'a pas attendu pour explorer J'avais bien compris. l'intérieur de la cabane. Je crois que en fait c'est... Là, tu reviens avec ta brassée, tu as juste face à toi la houtotte, tu l'as fait reposer sur l'un des poteaux de la soleil. Et que regardes-tu au moment où tu te saisis plus étroitement de la houtotte ? Regardes-tu le tas de bois moussu ? Regardes-tu à nouveau une dernière fois Julie ? Contemples-tu la prairie ou... Jettes-tu un œil sur les nuages ? Pourquoi je contemplerais une dernière fois Julie ? Je regarde la ligne d'horizon qui sépare Julie du ciel. Je regarde les deux avec un... Formidable. Tu contemples ce spectacle rassérénant. Tu te saisis fermement de la houtotte. Alors que tu t'en saisis, tu as comme une piqûre de WC qui vient... te distraire de ta contemplation, un rappel à la réalité du lieu. Tu as senti comme une décharge inonder ton bras, oh non. comme la piqûre des WC qui se sont acharnés sur ta main enflée. Et lorsque tu te ressaisis, t'ébroues et regarde ta main, tu sens une présence devant toi se dessinant dans l'ombre la plus profonde de la soleil. Derrière le tas de bois moussu se tient un vieil homme Selon tes critères, il a une barbe fournie, parsemée de poils blancs. Elle n'est pas entretenue. Elle vagabonde. Il est maigre, presque chétif. Le cou tout plissé de rides. La peau sale, maculée de poussière, de boue. Les yeux profondément enfoncés dans ses orbites de grandes cernes grisâtres, des poches immenses sous les yeux. Il a l'air fatigué, épuisé. Dit-il. Maman Auguste, vois à quoi nous sommes rendus pour subsister. Il faut toujours veiller à bien écouter, à faire les bons gestes. Entends-tu, Maman Auguste ? Te regarde intensément. M'entends-tu, Maman Auguste ? Oui. Écoute ton vieux père, ma fille. Écoute ton vieux père. Dans ta mort, quand t'auras trouvé le boum pour avoir un fait, tu suivras la tradition. Et point de grabounir. Entendu, ma Marguite ? Oui. Et tu te saisis de la houtotte. Tu as dû malencontreusement appuyer sur l'une des pustules purulentes malgré le miel. En te saisissant de la houtotte, du pus se répand sur ta main. Sur ta main, Marguerite. Te voilà lesté d'un souvenir que tu choisiras de placer. Je peux le placer dans la mémoire ou j'ai pas le droit ? Alors c'est. Non, t'as pas le droit puisque c'est. C'est ta branche morte. En savoir ? Alors, tu peux le considérer comme un savoir, ou tu peux le chérir, c'est la façon dont tu le reçois. Bah, pour moi, c'est un enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de j'ai plus le nom du monstre, mais il a dit le nom du monstre que Horace répète. Grabounia. Grabounia, le monstre dont tu as peur, dont tu as une peur sainte, le jeune Horace, c'est pour moi, c'est que des fadaises qui sont racontées... au petit pour éviter qu'il fasse des bêtises. Et donc ça, c'est la certitude que c'est bien ce que tu pensais. C'est ça que tu le conçois. C'est un argument que tu entends resservir à Horace. Est-ce bien ça ? Je ne compte pas le resservir à Horace. Enfin, seulement s'il m'embête trop avec ses enseignements et tout ça. Mais je pense que c'est plus, pour le personnage, c'est plus un moyen de se convaincre. De se convaincre lui-même que de convaincre quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'en était pas sûr, il est quasiment jamais sûr de rien. Et là, ce serait pour Edmond un moyen d'avoir la certitude que le Grabounia n'est que ce que l'on dit aux enfants pour les dissuader d'être turbulents. Oui, l'homme l'a dit, le Grabounia n'existe pas. Entendu, ma Marguerite ? Petit bilan de session. Alors, est-ce que le cadre bucolique de Skoé te convient ? Skoé. Skoé, c'est le nom que j'ai donné à la campagne que nous venons d'entamer. Moi, ça me va. Après, reste à trouver ce qu'est Skoé. C'est sûrement du patois de ta région de naissance, non ? Probablement. Du patois vosgien. Probablement. Du patois trop loin. Alors, en dehors de cette découverte, qui n'en est pas une... Non, mais j'avais bien compris que c'était... pour moi, on joue dans un coin paumé d'Alsace-Lorraine. Ouais, alors l'Alsace et la Lorraine ne vont pas nécessairement ensemble, quoique avec les nouvelles régions, on puisse le dire. Donc pour moi, c'est plus l'Alsace que la Lorraine, c'est juste le nom de la région, Alsace-Lorraine, donc pour ça je dis Alsace-Lorraine. Donc moi, entre les deux, il y a... Il y a une différence culturelle, je sais bien. Non, et entre les deux, il y a la montagne, et la montagne, elle s'appelle, tu l'as dit, les Vosges, donc on est plutôt au cœur des Vosges qu'autre chose. On joue des Vosgiens. Voilà. Des Vosges-Pattes. Alors Moi, j'ai trouvé le cadre bucolique super intéressant. Et moi, ça me gêne pas du tout de jouer dans un terrain que je connais pas. De toute façon, je l'avais dit pour Écorce, mais peu importe que je connaisse ou non le territoire actuellement, comme on est dans un univers post-apocalyptique qui change complètement la donne, pour moi c'est découvrir un nouveau pays, enfin une nouvelle contrée. Et même si par exemple va y avoir des références, je sais pas, j'en ai pas en tête, mais des fois ça peut être des références distillées dans le récit, dire ça, ça a survécu, tu connais la région, tu souris, mais après c'est tout ce que ça fait. C'est, tu vois le lieu avant l'apocalypse, comme il, comme Horace me disait avec le caca, tout mou, le caca sec. La bouse. La bouse. On peut pas voir la bouse à la fois sèche et fraîche. On a une image qui nous vient en tête. Oui. Mais on peut voir quand même en même temps avec nos yeux. Oui. Voilà. Donc ça peut être les... Bon, après là c'est pas la vue que ça nécessite, c'est... C'est les deux font appel pour toi à l'imaginaire, donc ils peuvent se confondre. Voilà. Sur l'atmosphère qui se dégage autour des personnages, on n'est pas dans le cœur d'arbre, c'est plus... on peut se demander en quoi ce sont des clochards, ils sont tous les deux rejetés de la communauté des... de Prel, un naufragé volontaire mais qui n'a pas vraiment vocation à retourner chez la vieille pour Horace, et pour toi un errant parmi d'autres, donc je pense que on est quand même dans le domaine. On n'a pas senti énormément d'adversité. Le premier aspect fantastique, c'est ce qu'on vient de jouer à l'instant. La présence qui te suit, j'ai choisi moi d'incarner mon goupil dans un goupil véritable. Ça donne une dimension fantastique. On ne sait pas si c'est... Enfin, je fais en sorte que rien dans le récit n'affirme que ce soit le même goupil ou que ce soit de recirconstance. Les propos d'Horace peuvent, si on les suit, nous dire que t'as pas vu un goupil mais un loup-gris avant et maintenant un goupil. On ne sait pas. Mais je reviens sur un truc que j'ai déjà dit. Pour moi, les règles du jeu auquel on joue parmi les jeux de rôle, c'est la spécificité du jeu de rôle pour moi, ou de certains jeux de société très spécifiques, c'est non pas les règles qui priment sur la fiction, mais la fiction qui prime sur les règles. Mmh. Et les règles permettent d'aiguillonner un peu la fiction. Après, on prend le jeu de rôle approprié pour jouer ce qu'on veut. Mais là, on joue plus du d'un côté campagnard, un peu fantastique, mais qui a tout de même une teinte rassurante, peut-être même... Ça pourrait peut-être même être mieux dans Marche-Branche que dans Arbre. Après, on a joué à Arbre et pour moi, je trouve que c'est quand même bien. Ça permet de faire émerger des persos qui sont forcément pas des killer robots, puisqu'ils ont forcément une branche de coupée. Donc ça peut pas être des killer robots, ils ont forcément un gros défaut. Soit qu'ils sont... Le killer robot, c'est qu'il a pas d'attache. Donc il n'a pas d'attache humaine. Là, ce que je trouve qu'on a joué et qui est venu spontanément, c'est qu'on avait un attachement qui n'était pas forcé. Il est contraint par les feuilles que nous avons choisies l'un et l'autre. Oui, mais je pense que les discussions... As-tu joué tes feuilles dans l'opposition qu'on a pu avoir J'en ai joué qu'une, c'est par rapport aux coupes jarrets. Mais lorsque on était à se disputer, est-ce que tu as joué ton personnage tel que tu l'avais imaginé? Est-ce qu'il était investi dans le... Il était investi en même temps, il a été altéré par le récit. En même temps, c'est un peu ça avec tous les personnages. On se rappelle l'idée qu'on avait au départ, et à la fin de la campagne, on se rend compte que... On a perdu une partie de l'identité du personnage, mais... Qu'à la fois on a mis d'autres choses qui sont peut-être plus intéressantes ou qui sont tout aussi intéressantes et qui permettent une sans perdre l'identité du personnage, ça a permis d'enrichir le récit. Mmh. Et pour le moment, il y a eu des petits côtés qui sont peut-être pas ceux que j'avais décrits tout au début, mais pour moi, j'ai pas perdu l'ADN du vacher d'Edmond. Et les points que j'ai modifiés, déjà c'est pas une entorse aux feuilles, mais une entorse à ce que j'avais imaginé. Et cette entorse à ma première vision du personnage, elle crée quelque chose que je trouve sympa. Donc pour moi, c'est pas gênant que je me sois contredit dans le récit, et ça peut même créer une certaine une dynamique ouais. autour du personnage. Est-ce que tu as trouvé des moments touchants dans... Oui, enfin, notamment les discussions qu'on a, même si parfois ça vire au grand guignolesque entre moi et Horace. Mmh. Mais il y a un petit côté enfantin qui, moi, m'émeut un peu. Bon, après, c'est, je sais pas pour toi. Ou... Donc, ça t'a plu, par exemple, la... L'histoire de qu'il ne veuille pas porter la houtotte et qu'il te demande de le faire et que ça devienne un enjeu et que c'est un enjeu qui se traduit aussi dans... Par une donation de fait. Voilà, et que on se donne des éléments du personnage. On avait convenu que le tien était oublié, il ne connaissait pas, il était... sa branche morte, c'est la mémoire, mais que le mien le connaissait et que je choisirais le moment. Et là, je trouve qu'il était très approprié le moment. Tu m'avais dit en préambule à la séance, on avait fait en voix off la présentation de nos personnages, enfin une rapide présentation. On avait conclu notre accord, enfin. Tout ce qu'on avait en... On n'avait pas fini de rédiger toutes nos feuilles à ce oui, moment-là. Oui, mais on avait déjà une idée qui, mmh. Pour moi, n'est pas si... éloignée de ce que... Si éloignée, oui. Mmh. Et j'avais bien compris la dynamique et pour moi, elle s'est avérée dans la suite. Mais pour moi, le fait qu'il y ait une véritable entente entre les deux personnages, même s'ils chamaillent souvent, et pour moi, donne un petit aspect comique qui vient se rajouter une teinte autre au côté bucolique que tu as instauré. Mmh. Le fait qu'ils œuvrent ensemble malgré leurs disputes, ça donne une dimension qu'on avait peut-être un peu moins avec notre première partie d'Arbre, où on était dans des Genesis et où on se connaissait vraiment peu. Moi, j'étais celui qui était sur le Vitocha à trier les déchets pour en ramener les meilleurs, les artefacts de l'âge d'or à Sophia. Et Mathieu qui était en quête de savoir, même si je trouve qu'il y a une inversion des rôles, même si et toi t'as pris le rôle que j'avais et moi le rôle qu'avait Mathieu, parce que j'ai une quête de savoir notamment, et je trouve qu'il y a une réelle dynamique entre les deux personnages qui s'inscrit plus que... Le fait, notre branche commune est plus centrée sur le oui. cœur et l'affection. C'est plus construit sur du relationnel. Et en fait, autant la première... j'avais l'impression que c'était juste une espèce de goodies, le fait qu'on ait une branche commune. Puisque de toute façon, on en a minimum une. C'est-à-dire que, comme on n'en coupe qu'une de branches, même oui. si on peut en couper oui, plus. On en a une multitude qui peuvent être communes. Mais là, on l'a choisi délibérément. On l'a choisi et ça rentre pile dans les clous. Alors que dans Mathieu, enfin, dans la partie qu'on avait à Mathieu, avec Mathieu, je trouvais que c'était juste pour respecter la mécanique qu'on avait fait ça et qu'on ne le jouait pas pleinement. Mathieu et moi, on avait assez peu de liens. C'était juste certains moments. J'avais de bonnes idées, j'étais plutôt débrouillard, et lui avait de bonnes idées, il était plutôt débrouillard, et il y avait c'était vraiment par opportunisme qu'on cédait. Là, il y a aussi de l'opportunisme, mais il y a une teinte nouvelle, il y a une chose nouvelle qui, moi, m'intéresse plus côté relationnel que quand j'étais avec Mathieu. Je pense qu'on a construit nos personnages autour de l'affection supposée qu'ils pouvaient avoir l'un envers l'autre. Et cette construction, ça nous a vraiment permis d'en créer une, finalement. Et je trouve que, en dehors des chamailleries, il y a eu, et même si on a eu, ça a été très découpé le jeu, on a eu des moments d'émotion dans chacune des phases. Et les moments d'émotion, ils viennent justement de la proximité relationnelle des personnages. Le fait que tu as un peu le grand frère, même si j'utilise, puisque j'ai à la fois un personnage, je joue la garde forestière, c'est un peu singulier, et je suis ton goupil, mais t'es aussi mon goupil. Ça te permet d'avoir quand même le rôle du goupil. J'ai envie de dire, toi, sans être singulier dans Millevaux, c'est pas toi. Mais là, en l'occurrence, on a chacun utilisé le goupil. Mmh. Et le goupil n'est pas intervenu comme un artifice oui. de jeu. Il est venu spontanément dans l'histoire pour être le cœur antique et pour faire ce lien de ce que l'on ressentait des personnages. Oui, et autant la mécanique m'intéressait déjà avec Mathieu, même si on avait eu. C'était un peu énervé la première fois. Autant là, le Goupil, il a le côté, ce soit pas qu'un artifice, un outil de jeu comme préconisé dans la règle. Moi, au contraire, c'est un truc en plus que j'apprécie vachement. Et le fait qu'on se rende compte mutuellement qu'on est. Qu'il n'y a pas Coraz quand on des voix, que j'ai pas une si mauvaise vue que ça, que c'est peut-être vrai ce que je dis. Ça crée aussi un élément du récit qui, pour moi, est. Est tout aussi intéressant qu'une péripétie en soi. Il n'y a pas eu, à proprement parler, de péripétie. Oui, mais c'est pour moi, la fiction, elle se construit pas qu'autour des péripéties. Parce que sinon, c'est un peu comme. Qui avait parlé dans Cassius Belli, là, le fameux magazine de jeux de rôle, il y avait une parodie fréquente des classiques où t'as des gens qui viennent taper sur du dragon et c'est le seul cœur de l'intrigue. Autant pour moi, les péripéties, ça aide le récit si on fait que discuter ensemble. Ça peut être sympa, mais ça fera pas pour moi une partie. Mais on n'est pas obligé de se précipiter dans le récit. On a le temps, on prend le temps de nouer d'avoir une partie relationnelle et pour rendre les péripéties plus attachantes, plus dure sera la chute. Qui est un truc de Influenza minima. Non, on reste dans l'ancrage d'Influenza en faisant ça, en fait. C'est pas le côté héroïque là qu'on met, c'est un attachement qui montre aussi les faiblesses du personnage, des personnages, que les points qui sont. Leur force, autant ils peuvent émeuvoir, autant ils sont. On voit déjà qu'ils ont des faiblesses et que face au bois. Peut-être qu'ils succomberont. Facilement, ouais. Moi, je pense que l'ancrage dans Influenza, il est très fort dans cette partie d'Ara, sur le principe du sacrifice, parce qu'on a choisi des personnages qui sont relativement faibles, même s'ils ont des forces, que, par exemple, Horace a affirmé, et que j'ai affirmé en révélant une feuille autour de sa souplesse, sa coordination, etc. Il a quand même des éléments, et puis il entend des voix, la voix des morts, ça s'était révélé dès le départ. C'est quelque chose qui le place à part et qui le range plutôt dans un côté presque héroïque, mais c'est un héroïsme de pacotille et de peu de poids face à un groupe de loups, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'un à deux ? En fait, on est un peu. C'est juste moi qui. On est donc. Toi, t'es Don Quichotte sur ton cheval à chasser des moulins. Donc, le cheval, c'est ta vache. Enfin, la vache Julie. Et puis, moi, je suis. Je sais plus comment il s'appelle. Sancho Panza. Sancho Panza qui le suit tout en disant que c'est qu'il faut qu'il arrête d'entendre les voix. Voilà, ça fait vraiment ça. Et donc ça permet du picaresque. On n'est pas encore entré dans l'horreur. Pour l'instant, on a exploré le côté bucolique, champêtre, rural, les liens entre les personnages. Par moments, je prends une voix très enfantine. À d'autres moments, j'essaie de faire ressortir le patois. Ce qui fait le côté à la fois enfantin, léger, et puis de l'autre côté, l'aspect rural. Et on a les ingrédients d'un récit picaresque, en fait. Et c'est à nous de porter pour la suite le récit picaresque tout en... Et là, c'est la garde forestière qui s'exprime, tout en ayant à cœur d'explorer aussi la dimension horrifique de Midvo. Ce qui n'est pas oublié du programme. Est-ce que tu as d'autres points Je viens de te couper. C'est juste. C'est juste que pour le moment, on a juste développé certains aspects et qu'on va les développer plus tard dans la fiction. Ouais. pour moi, c'est pas une entorse au fait de jouer dans l'univers de Milvaux. Mmh. C'est au contraire une façon qu'on n'a pas abordée fréquemment. D'habitude, c'est des parties courtes où l'adversité est là du début à la fin. Et c'est plus... au début, on a assez peu d'attachement avec le personnage, part dans Dormeur, où il y avait déjà un attachement et où c'était aussi le picaresque qui prenait au début. Et ensuite, l'attachement se développe dans la partie. Donc là, c'est juste qu'on le fait d'une manière altérée par rapport à nos parties habituelles. Et autre point, c'est par rapport au patois que je connais pas, puisqu'on est dans les Vosges et que j'ai jamais mis les pieds dans les Vosges, que je connais encore moins la culture vosgienne que la culture, je sais pas, tibétaine. Voilà, on va pas se mouiller. Que donc, je ne connais pas les mots du patois, mais au vu des descriptions, par exemple, pour les je sais plus comment ça se dit. Wessé. J'ai compris vite que c'était des guêpes. Et en même temps, ça a créé une cohérence avec le personnage. Le fait que je ne puisse pas utiliser le patois parce que je ne le connaisse pas. Mon personnage est amnésique. Et même s'il les entend dire... Il ne connaît pas forcément les mots du patois. Il connaît des connaissances universelles, mais il ne connaît pas les mots du patois. Et ça crée un décalage, une faiblesse en plus pour mon personnage. On peut le lire comme ça, ouais. T'es bon ? Ouais.